Attends, je vais te le remettre. Tu vas essayer. Ok, Peter. Ah, Peter. Are you ready, Peter? Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour, et puis donnez la vie. Tu vas faire la messe. C'est l'heure de la messe. We'll be right back. la la la la. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et puis donnez la vie. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes. La la la la la. Manquer la basse. Enfant de tout pays, semez l'amour, donnez la vie. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et puis donnez la vie. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et puis donnez la vie. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et puis donnez la vie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Enfant de tout pays, la la la la la la la la la la. Notre bonheur, c'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Allez Philippe! Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et puis donnez la vie. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse. Où ça? Le paradis. Allez Philippe. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour, et puis donnez la vie. Et puis les jours où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Allez Philippe avec moi. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour et puis donnez la vie. Vos mains, meurtris, semez l'amour et puis donnez la vie. T'en as chié, hein. T'en chies un peu quand même. Hein. Bon, on va passer à autre chose parce que... Et on va aller voir les autres serveurs un peu, tiens.